La 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée aura lieu à la première décade de décembre de l'an 105 du JT 2016 à Pyongyang, capitale de la Corée. La conférence va faire le bilan fier des succès et expériences obtenus dans son travail sous la direction éclairée du parti du leader à la suite de la 7e conférence et discutera des tâches et moyens des structures de l'Union en tant qu'organisation d'éducation idéologique conformément à la demande de transformation de toute la société par le kimsunisme-kimjongisme.